chance de... Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mai, merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible. Cette année, l'Amérique de Barack Obama a été secouée par les images de violence à Baltimore, et ce, moins de 2 ans après l'affaire Ferguson. Que se passe-t-il dans l'Amérique d'aujourd'hui? Quel est le sort des Noirs américains? Que devient le combat de Malcolm X et de Martin Luther King? C'est l'objet de notre série cette semaine, en compagnie de la spécialiste de l'Amérique, Nicole Bacharan, qui viendra nous parler de Malcolm X. Malcolm X, Onan Dalla, de l'Amérique et des droits civiques, c'est dans un instant le premier épisode de la série de la semaine. Et puis en deuxième partie, je recevrai une poète, Habiba Jahnin, pour son recueil, édité par Bruno Doucet, Fragments de la maison. Young Negroes coming up. They don't want to hear that turn the other cheek stuff. No! In Jacksonville, those were teenagers. They were throwing Molotov cocktails. Negroes have never done that before. But it shows you there's a new deal coming in. There's a new thinking coming in. There's new strategy coming in. It'll be Molotov cocktails this month, hand grenades next month, and something else next month. It'll be ballots or it'll be bullets. It'll be liberty or it will be death. Et cette semaine, notre tête chercheuse est la politologue Nicole Bacharan. Bonjour. Bonjour. On va parler de Malcolm X, 50 ans après sa mort, durant toute cette semaine. Mais d'abord, une question. Pourquoi on parle plus volontiers aujourd'hui de Martin Luther King, avec des livres qui sortent, des tribunes, des hommages, et très peu de Malcolm X? Est-ce que sa réputation est toujours aussi sulfureuse? Je crois que sa réputation est toujours assez sulfureuse. Il se trouve que pour Martin Luther King, cette année aussi, il y a pour lui un grand anniversaire qui fait qu'on en reparle davantage. Et puis finalement, mais on en reparlera ensemble, Martin Luther King a davantage changé l'Amérique que Malcolm X. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire sur leur parcours respectif. Salam alaikum. Brothers and sisters. Malcolm. Malcolm X. We wake up, we clean up, and we stand up. And once we can stand up like a man on our own feet, we stop begging the white man. And we stop apologizing to the white man. We stop compromising with the white man. Malcolm X. Malcolm X, Onan Dalla, de l'Amérique et des droits civiques, par Nicole Bacharan, politologue spécialiste de la société américaine et entre autres ouvrages parus, Les Noirs américains, des champs de coton à la Maison Blanche et aux éditions Perrin. Et c'est paru en 2010. Nicole Bacharan, premier épisode, une enfance américaine. Quelle a été l'enfance de Malcolm X? Une enfance très très dure et qui en même temps n'avait rien d'exceptionnel, malheureusement, pour un jeune noir dans l'Amérique des années 20. Il est né en 1925 à Omaha, dans le Nebraska, dans une région raciste comme l'était l'ensemble des États-Unis. C'était pas le sud de la ségrégation. La séparation des races dans le Nebraska n'était pas rendue obligatoire par la loi, mais elle l'était très durement dans fait, les faits. Hein. Et c'était aussi l'âge d'or du Ku Klux Klan, les années 20-30. On a tendance à l'oublier parce que c'est tellement lié, l'histoire du Ku Klux Klan, évidemment, à la guerre de sécession, autant on emporte le vent, naissance d'une nation, etc., qu'on ne pense pas qu'il y a eu plus tard des périodes où ce sinistre groupe de terreur était très actif. Et le père de Malcolm X, le père s'appelait Earl Little, puisque c'est le vrai nom de famille, était à la fois conducteur de tramway, mais militant noir, militant de la cause noire. Il a été d'abord terrorisé. Le feu a été mis à sa maison quand Malcolm X était tout petit, il avait 3 ans. Et puis en 1931, donc Malcolm lui avait 6 ans, le père a été assassiné. On a eu vaguement une thèse d'accident, mais très vraisemblablement, il a été assassiné par le Klan. Nicole Bacharan, vous dites que déjà le père de Malcolm X était militant pour la cause des Noirs. Cela veut dire que le combat avait déjà commencé aux États-Unis ? Je pense que le combat de la cause noire, il a commencé en même temps que l'esclavage. Il n'y a jamais eu d'époque aux États-Unis où les Noirs ont accepté gentiment la soumission à l'ordre de l'esclavage, puis ensuite de la ségrégation. Alors du temps de l'esclavage, il y avait déjà des résistances individuelles, des violences, parfois des assassinats, on mettait le feu aux récoltes, on mettait le feu à la maison, etc., pour se révolter. Il y a eu aussi de vraies révoltes organisées, pas beaucoup, parce qu'on était quand même dans un véritable régime de terreur. Et puis, à partir du début même du 19e siècle, il y a eu toujours des organisations noires, puisqu'il y avait quand même un groupe de Noirs qui étaient libres, qui n'étaient pas esclaves, particulièrement dans le Nord, et qui se sont réunis pour militer. Et donc, le père de Malcolm X, Earl Liddle, militait, disons, en suivant un leader qui s'appelait Marcus Garvey, et qui était un militant de la fierté noire. Il était, lui, installé dans le Nord, il portait un uniforme forme chamarrée, assez pittoresque, un peu comme on verrait un roi africain, en quelque sorte. Et il tentait, en tout cas, de pousser les Noirs à relever la tête et à demander plus d'égalité. Et à quoi va ressembler l'enfance de Malcolm X, donc orphelin très tôt ? Orphelin très tôt, il y a 5 enfants dans cette famille. Sa mère ne tient pas le coup, elle a les nerfs extrêmement ébranlés par toutes ces épreuves, elle perd la tête, les enfants ont faim. Malcolm X écrira ou dira plutôt dans un interview « J'avais tellement faim que j'avais la tête qui tournait ». Et donc la mère sera internée dans un asile d'aliénés. Et les enfants, eux, seront dispersés dans des familles d'accueil. Donc Malcolm X se retrouvera dans une famille blanche qui le traitera très très bien, puisque ces gens-là, c'était évidemment porté volontaire. Mais, dira-t-il plus tard, il me traitait avec toute l'affection qu'on porte à un petit animal familier. Et puis il est allé à l'école. Il y avait une chose qui sera sienne toute sa vie, c'était quelqu'un de très brillant intellectuellement. Il adorait apprendre. Et donc petit, à l'école, dans une école de blanc, dans ce quartier où il était, il avait confié à un professeur qu'il aimerait être avocat. Et le professeur lui a répondu, mais enfin, sois réaliste, tu n'es qu'un nègre. Est-ce qu'il va avoir des relations avec ses autres frères et sœurs, Malcolm X, ou il est déjà isolé de la cellule familiale dès son jeune âge ? Je pense que Malcolm X est assez seul. C'est quelqu'un de seul. Il est séparé de ses frères et sœurs. Il a perdu ses parents. Son père est décédé. Sa mère est à l'hôpital psychiatrique. Et il se sent seul dans sa famille d'accueil. Il se sent seul dans l'école où il se retrouve avec des petits camarades qui sont tous blancs. Il est seul et il cherche plutôt en lui-même, je crois, ses ressources pour avancer. Et puis finalement, il quittera la région pour chercher l'aventure, disons. L'aventure universitaire ou l'aventure du militantisme ? À quoi va ressembler la jeunesse de Malcolm X, Nicole Bacharan ? Alors, la jeunesse de Malcolm X, elle n'est ni universitaire, ni militante. Il va à Harlem et il devient, disons-le, il devient délinquant. Drogue, jeu, prostitution. Petit caïd. Quoi. Voilà, c'est un petit caïd. Il est assez connu, assez populaire dans ce nouveau milieu. C'est un beau garçon. Hein, il est très grand, très mince. Il a le teint plutôt clair et donc il se fait teindre un petit peu les cheveux. Ils ont un reflet roux, donc on l'appelle Red, rouge. Mais ça commence à devenir sérieusement dangereux pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il finit par se faire arrêter et condamné assez sévèrement puisqu'il est condamné à 6 ans de prison. Donc il rentre en prison en 1946. Ah, en prison, il va justement rencontrer d'autres militants, mais peut-être pas des militants des droits civiques, de la cause noire. Est-ce qu'on peut dire que cette parenthèse à Harlem de Malcolm X a été aussi une école de la vie qui va lui servir plus tard ? Je pense que son passage à Harlem, son passage dans la délinquance, ça fait de lui un combattant. C'est pas forcément la formation qu'on pourrait juger la plus sympathique, mais ça a des effets. Cet homme-là est un combattant. Et en même temps, quand il se retrouve en prison, il se retrouve aussi face à une autre un autre aspect, disons, de sa nature profonde, c'est que c'est un intellectuel. C'est quelqu'un qui aime apprendre. C'est quelqu'un qui a la passion de l'étude. Et c'est quelque chose qu'il va pouvoir poursuivre en prison. Et pourquoi il a arrêté ses études avant d'arriver à Harlem ? Pour quelle raison il n'a pas poursuivi ses études alors qu'il avait une famille adoptive qui était plutôt prête à l'aider ? On l'a très fait vite comprendre qu'en tant que noir, il n'avait pas d'avenir universitaire, d'avenir professionnel qui soit valable. C'est vrai qu'il vivait à ce moment-là enfant dans sa famille d'accueil dans le Michigan. Donc c'est pas le Sud, c'est pas la ségrégation, c'est pas un ancien État esclavagiste, mais en fait la séparation des races, elle est très réelle. Il y a déjà les ghettos urbains, et il y a des tas de professions où les Noirs sont complètement absents. Et aujourd'hui, à Harlem, dans le quartier de New York, il y a un grand boulevard qui porte son nom. Oui, un grand boulevard Malcolm X, il y a un grand boulevard Martin Luther King. Et qui Harlem, se croise d'ailleurs. Et Harlem, qui était longtemps, les années 70, les années 80, un véritable coupe-gorge, c'est un quartier, tout ce qu'il y a de plus bobo, extrêmement agréable et sympathique. Il y a encore quelques immeubles ou maisons à retaper, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que Malcolm X est rentré finalement dans la culture populaire américaine la plus acceptable. Voilà pour l'enfance et la jeunesse de Malcolm X. Demain, on parlera de Malcolm X en prison. Est-ce qu'on peut dire que le militantisme de Malcolm X commence là, en prison ? Oui, tout à fait. C'est en prison que les choses pour lui se transforment de manière définitive. À demain, Nicole Bacharan. À demain. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel par Toufik Hakem. Thank you. Et maintenant, l'invité culturel. Étrangère dans sa ville, étrangère dans sa vie. Elle regarde la mer avec insistance, comme si elle attendait des mots d'elle, des mots qui disent « Te souviens-tu ?» Elle ne se souvient de rien, et la mer ne lui dira rien du temps qui passe. Étrangère à sa ville, étrangère à sa vie, elle s'approche des mers de ses ancêtres, là où ils ont appris à nager, à pêcher. Ils ne savent plus qui elle est, ils ne la reconnaissent pas. Peut-être sont-ils morts depuis trop longtemps. Ils ne lui diront pas les mots qui la tourmentent. Étrangère à sa ville, étrangère à sa vie, les chemins tortueux de son avenir n'existent que dans le bégaiement des vagues, de la traversée d'un ciel trop haut. Les pas continuent à s'effacer, comme si l'histoire était impossible à écrire, comme si les mots s'effaçaient à leur naissance. Alors comment feront-ils pour être? Comment feront-ils pour se reconnaître? Comment feront-ils pour s'aimer? Comment cessera-t-elle d'être étrangère? Bonjour Habiba Jahnine. Bonjour. Vous venez de lire un extrait des Fragments de la maison, votre recueil de poèmes, édité en France par Bruno Doucet. Vous avez déjà publié ces poèmes auparavant en Algérie où non, vous vivez? Ce sont des poèmes inédits, en fait, c'est la première fois qu'ils sont édités. Alors, on vous connaît pour ce que vous faites au niveau du cinéma, de votre manière aussi d'aider, d'encadrer des jeunes, que ce soit à Béjaïa ou dans le sud algérien, en faisant des ateliers d'écriture, en leur permettant de se lancer dans le cinéma. Mais on savait pas que vous étiez aussi poète, Habiba Jahnine. Ben voilà, j'ai déjà édité par contre un autre recueil de poésie en Algérie en 2003. Ouais. Voilà. Et Outre-Mort. Et c'est une histoire qui dure depuis longtemps, vous et la poésie? J'adore la poésie et j'en écris depuis l'âge de 13 ans. Ouais? Ouais. En français seulement ou en français et en arabe? Ça aurait pu être du kabyle, ouais, plutôt, parce que c'est ma langue maternelle, mais j'écris plutôt en français. Comment ça a commencé? Ça a commencé par, il y a toujours une raison évidemment, parce que il y a toujours d'abord un premier acte d'identification à tout ce qu'on entend. De la part des grands-mères, des tantes, qui parlent beaucoup en poésie et qui récitent des poèmes de Simhan Doumhand, qui chantent quand elles travaillent. Mais tout ça, ce sont des références berbères. Complètement. Et après, bien sûr, la lecture est rentrée dans notre maison par ma mère, qui est une très grande lectrice. Et donc, de très jeune, on avait des recueils de poésie sur les étagères de la maison, et dans notre bibliothèque. Quand j'ai commencé à lire de la poésie, c'était bien sûr au départ avec Éluard. Aussi des poèmes chantés aussi, de Brassens, de Ferré, enfin tout ça. Mais c'est vrai que la poésie pour moi était un peu une sorte d'univers secret. J'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans, mais la première fois que j'ai montré mes poèmes, c'était je crois vers 18-19 ans. Quel lien entretenez-vous avec la langue française, Habiba Jahnine, sachant que vous êtes algérienne? Oui, moi la langue française c'est ma langue. Je considère que c'est une de mes langues, voilà. Il y en a trois, il y a l'arabe, le kabyle et le français. Même si j'ai appris l'arabe à l'école comme le français. Enfin, le français, on l'a plutôt parlé à la maison, mais je l'ai appris aussi correctement à l'école que l'arabe. Mais c'est vrai que je considère que l'arabe algérien, c'est ma langue aussi. Et comme vous venez de ce même pays qui vit des crispations identitaires, vous savez que la poésie en berbère, ou la poésie en arabe, ou la poésie en français, ce n'est jamais anodin, c'est un choix. Est-ce que c'est un choix idéologique, ou du moins c'est perçu comme ça? Comment vous le vivez? J'ai aucun conflit personnel autour du choix de la langue. Moi, je l'assume complètement. Comment ça pourrait être interprété alors? Oui, voilà. Et moi, je considère que ma poésie est pleine d'autres langues. C'est-à-dire, à l'intérieur, il y a du kabyle, il y a de l'arabe, il y a des images. Et il y a des gens, je me rappelle très bien avoir fait une lecture, et puis il y a une femme qui s'est levée qui m'a dit « j'entends de l'arabe ». Et je trouve ça fort, parce que les langues, finalement, c'est ce qu'on utilise pour s'exprimer, mais c'est plein de nous, c'est plein de nos histoires, de nos sons, de nos images. Je ne considère pas ça comme un choix idéologique, je trouve que le français fait partie de notre vie. Je me sens complètement, je sens que cette langue m'appartient, je ne suis pas étrangère à cette langue, comme l'arabe et le kabyle, et je vois comment c'est perçu par les lecteurs de poésie en Algérie, et il y a un vrai bonheur à partager ça. Et de ce côté-ci, de la Méditerranée, Fabrice Lucchini ne dit pas autre chose, on l'écoute. Alors, modestement, je dirais que ce qui peut fédérer des êtres humains, c'est leur passion d'une langue. Mais ça ne veut plus rien dire au jour d'aujourd'hui. Et curieusement, c'est presque les Haïtiens, les Marocains, les Libanais, les Québécois, les Belges qui transmettent, qui me communiquent une passion de la littérature, de la langue française. Et comme dirait Cioran, c'est le peuple français n'a même plus tellement conscience de ce qu'est sa langue. Et donc voilà, pour moi, fédérer un peuple, ça peut être déjà, avant de se lancer dans des théories complexes, l'amour d'une langue commune. Est-ce que vous considérez le français comme une langue commune avec d'autres Africains, avec les Québécois, avec les Français, avec les Belges, Habiba Djamine? Complètement, complètement. D'ailleurs, dans un débat qu'on a fait il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, c'est ce que je disais, c'est-à-dire je considère que la manière de parler la langue, c'est-à-dire notre manière de parler la langue n'est pas du tout la même qu'un Québécois ou qu'un Belge ou qu'un Français, etc. Et je trouve que ça apporte une richesse incroyable à cette langue. Et bien sûr, elle est commune. Elle est commune, mais elle est riche du contenu qu'on lui donne. Toujours Fabrice Lucchini au micro d'Augustin Trapenard. Où est la poésie? Est-ce qu'elle est autant dans une réplique surréaliste de La Biche? Est-ce qu'elle est dans le génie de clarté d'un Valéry? Est-ce qu'elle est dans la fulgurance inexplicable d'un Rimbaud? Est-ce qu'elle est dans le savoir-faire de la belle ouvrage d'un Baudelaire? Est-ce qu'elle est évidemment dans la quintessence du génie français, et je le répète, la fluidité de Molière et de son cousin Germain, supérieur presque La Fontaine? Et est-ce que la poésie n'est pas dans une grande page de Proust ou dans une grande page de Céline? Et vous, votre bibliothèque idéale, vos références à vous, à Habiba Djanine? Moi, je suis assez proche de la poésie mystique. Mm-hmm. Je lis beaucoup le Hallaj, même si c'est traduit en français. C'est-à-dire que c'est pas la langue d'origine de ces textes. Amar Khayyam, Jalaluddin Rumi, j'adore cette poésie. Après, j'adore la poésie algérienne. Mm-hmm. Ketb Yassine, le Mahdi Acharchour, Malk Alloula, et plein d'autres. Je pourrais en citer plein. Et du côté français, bien sûr, Rimbaud, évidemment. C'est-à-dire, voilà, quand on est adolescent, je crois qu'on s'abreuve d'abord de Rimbaud et de Baudelaire, parce que c'est des livres qu'on trouvait dans les librairies algériennes, tout simplement. Et parce qu'aussi, ça parle à un jeune, ça a une sorte de force, de passion, et de voilà. Et puis, bien sûr, j'adore Mahmoud Darwish, j'adore... Il y a plein de poètes que j'aime beaucoup. Et pour vous, la poésie, Habiba Djanine, est-ce que vous êtes d'accord avec Nietzsche quand il dit que c'est une incarnation de la minorité, c'est-à-dire que quand elle nomme un réel, que nous nous percevions, mais que nous n'avions pas encore trouvé les mots pour le saisir? Oui, je pourrais être d'accord avec ça. Je pourrais être d'accord avec ça, même si c'est une citation très profonde. Mais pour moi, aujourd'hui, la poésie, c'est d'abord un port d'attache, quelque chose qui me sauve. Voilà. Qui vous sauve de quoi? De tout, de la folie, de l'indicible, de plein de choses. D'une douleur peut-être lancinante à cause de tout ce qui se passe en Algérie. C'est une façon de... Ou ailleurs, ou en Syrie, ou ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est très triste. Et je pense que la poésie nous sauve. Vous avez réalisé un long métrage, Lettre à ma sœur, consacré à votre sœur Nabila, qui était militante féministe, qui a été assassinée en pleine guerre civile à Tizi Ouzou en 1995. Est-ce que dans Fragments de la maison, il y a aussi tous ces échos de la guerre, de votre vie, de votre réel? Est-ce que pour vous, c'est important que votre vécu se retrouve aussi dans votre univers poétique? Complètement. Alors ce recueil de poèmes, il s'agit de mon vécu, évidemment, mais c'est un recueil de poèmes polyphoniques. C'est-à-dire, il ne faut pas voir dans le « je » que j'utilise seulement ma personne, il ne faut pas voir dans les « il » et les « elle » que j'utilise seulement d'autres personnes. Parfois, le « elle » me concerne, parfois le « je » n'est pas moi, etc. J'ai choisi une des voies polyphoniques, j'ai choisi de raconter des histoires multiples à l'intérieur de ce recueil de poésie, mais c'est parti d'abord d'une idée très forte que j'ai ressentie, c'est quand il y a une guerre civile surtout, mais toutes les guerres sont pareilles de toute façon, la première chose qui est touchée c'est le corps, et la deuxième chose qui est touchée c'est la possibilité d'aimer. On s'arrête d'aimer à partir du moment où la guerre s'installe. Et je pense que c'est une chose dont on ne se rend pas compte forcément. Et il y a eu un déclic à un moment donné, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ces textes sur ça, sur le corps qui est malmené par la guerre, mais aussi qui va, dans cette recherche, cette quête, retrouver ses sens. C'est aux éditions Bruno Doucet, Fragments de la maison. Habiba Djahnine, ici on se terminait cet entretien en lisant justement, puisque vous parlez de polyphonie dans votre recueil de poèmes, ici on terminait cet entretien matinal en lisant à deux un poème, un de vos poèmes que j'ai choisi. Page 23. Les sons arrivent de loin. Pas de douleur ce soir. Juste le tourment et le chemin. Je resterai éveillé jusqu'à l'aube. Je protégerai ton sommeil. Des bruits nocturnes. J'éloignerai la guerre et l'identité. Je construirai les fragments de la maison. Pour étaler des feuilles de poésie. Je laisserai l'automne s'absenter de nos vies. J'attendrai le printemps pour planter un acacia. Oui, encore un. Pour son ombre et son bois. Je laisserai la maison nous protéger des nuits froides. Le ciel nous attendra, je le sais. Il attend toujours. Je regarderai la guerre et l'identité. J'inventerai la nouvelle langue de la civilisation. Celle qui va éloigner les conquérants. J'inventerai de nouvelles syllabes pour un chant épique. Je laisserai le bois craquer toute la nuit. Je t'apprendrai ce que tu ne sais de moi. Je te regarderai sans la guerre ni l'identité. Juste à travers le nouveau langage des nuits. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr pour l'écoute en ligne ou le podcast. On se retrouve demain en compagnie de Nicole Bacharan pour la suite de notre série consacrée à Malcolm X, 50 ans après son assassinat. Et puis en deuxième partie, je serai avec Florence Delay, l'académicienne Florence Delay, qui parlera de sa vie comme au théâtre. C'est un récit publié chez Gallimard. À demain. Soon.